Le 25 juillet 2015, le Grand Prix de Hongrie accueillait la 10e manche du championnat du monde. Nous étions alors au cœur d'une des plus grandes aires de domination de la F1 moderne, Mercedes ayant remporté 24 des 28 dernières courses. Cette épreuve laissait espérer un changement. Le Hungaroring figurait parmi les rares types de circuits où le châssis Mercedes pourrait être vulnérable. Pourtant, cette année-là, l'attention était ailleurs. Entre le Grand Prix de Grande-Bretagne et celui de Hongrie, le paddock apprenait une nouvelle tragique. Jules Bianchi, grièvement blessé lors du Grand Prix du Japon 2014, nous avait quittés après 9 mois dans le coma. Il avait 25 ans. Ce Grand Prix était le premier disputé depuis sa disparition dans une atmosphère pesante de deuil partagé. Pour la majorité des pilotes présents, c'était une situation inédite. Tous étaient trop jeunes pour avoir connu la tragédie d'Imola le 1er mai 1994. Des hommages sincères et touchants fleurirent sur les casques, les carrosseries et les messages dans le public. Mais tous s'accordaient sur un point. La vie continue et chacun voulait donner son meilleur en mémoire de Bianchi. Pendant ce temps, en coulisses, la Silly Season battait son plein. Nico Hülkenberg, tout juste vainqueur des 24 heures du Mans, une première pour un pilote de F1 actif depuis Johnny Herbert, voyait sa cote grimper. Il intéressait sérieusement Williams et même voire Ferrari. La clé du marché se trouvait cependant du côté de Maranello, où Kimi Raikkonen décevait de nouveau. Depuis son retour chez les Rouges en 2014, le Finlandais enchaînait les performances fades et accusait déjà deux fois moins de points que son coéquipier. Malgré ses liens avec Mercedes, Valtteri Bottas apparaissait comme un successeur plausible, bien que les deux parties démentent les rumeurs. Jenson Button envisageait de partir en pré-retraite, mais personne n'était vraiment intéressé à l'idée de rouler pour la 9e force du plateau qui avait plus d'abandons que de points marqués cette saison. Peu de mouvements attendus sur le reste du plateau, Sauber ayant confirmé le surprenant Felipe Nasser et le très sponsorisé Marcus Ericsson pour 2016. Le cas de Marussia et de Lotus restait plus flou. Cette dernière, en grande difficulté financière, avait failli rater les essais libres 1, Pirelli ayant refusé de fournir les pneus tant que les arriérés n'avaient pas été régularisés. Quant à Red Bull, ils étaient satisfaits de Daniel Ricciardo et de leur nouveau venu, Daniel Kvyat, étant donné que cette année, le plus gros problème, c'était pas les pilotes, mais bien la voiture. Et plus précisément, leur motoriste Renault, avec des conflits croissants entre les deux parties. En parallèle, les débutants Max Verstappen et Carlos Sainz signaient des débuts très prometteurs au sein de Toro Rosso, leur écurie sœur. Les essais libres sont marqués par l'accident de Sergio Pérez, victime d'une rupture de suspension arrière qui part en tonneau à haute vitesse. Par précaution, l'autre Force India de Nico Hülkenberg reste au stand le temps d'enquêter sur la défaillance. Du côté de Ferrari, après une unique victoire opportuniste en Malaisie, l'optimisme s'est éteint. Les évolutions techniques récentes n'ayant pas apporté les résultats escomptés, l'équipe décide de revenir à des spécifications antérieures. À la déception générale, Mercedes impose une nouvelle fois sa loi. Et oui, Lewis Hamilton signait la 47e pole position de sa carrière, devançant son coéquipier Nico Rosberg d'une demi-seconde. Sebastian Vettel plaçait sa Ferrari en 3e place devant Daniel Ricciardo, au volant d'une Red Bull profitant de ce tracé sinueux pour masquer les défauts du moteur Renault. À noter les belles performances en qualification de Max Verstappen, qui signait déjà sa 5e Q3 en 10 tentatives, et Romain Grosjean qui plaçait sa Lotus dans le top 10 avec... faut-il le préciser, ses 4 pneus bien fixés. Avec 3 victoires sur les 5 dernières courses, Rosberg est dans une dynamique déterminante pour réduire l'écart au championnat et se replacer dans la course. Au titre. Derrière ces deux-là, rien, y a aucune compétition. Ferrari a 60 points d'avance sur Williams, Williams a 90 points d'avance sur Red Bull a 14 points d'avance sur Force India. Enfin bref, tout le monde est dans un no man's land et seuls les Mercedes offrent de l'enjeu dans cette triste saison. Quand je dis que 2015, c'était chiant. Mais bon, la tension retombe vite. Au moment de l'hymne national, les pilotes posent leur casque côte à côte et forment un cercle autour. Puis on vient poser le casque de Jules Bianchi au milieu. Un moment chargé d'émotions, hors du temps, qui force à se demander « Que faisons-nous là ?» Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie dans une machine similaire aux 20 autres qui vont s'élancer dans quelques minutes. Et puis, le silence. Puis, Le mauvais départ de Lewis Hamilton, Rosberg en profite, mais Vettel plonge à l'extérieur suivi par Raikkonen. Les Mercedes perdent pied et les Ferrari prennent la tête de course. Ce premier tour est tendu et Hamilton cherche à limiter les dégâts, mais en tentant de dépasser Rosberg, il met une roue dans l'herbe au freinage et tire tout droit et perd encore du terrain à la chicane. Le double champion du monde chute à la 10e place. De son côté, Ricardo a percuté Bottas au premier virage et il perd plusieurs positions. Il devra lui aussi s'attaquer à une remontée difficile. Avec Hamilton, ils font le spectacle dans le peloton, alors que Rosberg a du mal à suivre les Ferrari. Dans la cohue du départ, Massa, Verstappen et Grosjean ont perdu gros. Au 12e tour, peu avant les arrêts au stand, le classement s'est installé. Vettel mène devant Raikkonen et Rosberg. Derrière, Bottas est devant Ricciardo et Hülkenberg. Kvyat, dans l'autre Red Bull, mène Perez, Hamilton et Massa. Tout le monde reste en pneu tendre pour ce second relais, sauf Rosberg et les Red Bull qui passent en pneu médium. Raikkonen commence à souffrir de problèmes moteurs et perd progressivement du terrain. Mais Rosberg a du mal à suivre les Ferrari, car leurs pneus tendres ne perdent pas autant de rythme qu'escompté face à ces pneus médiums. Après plusieurs tours à résister, Ricciardo cède face à Hamilton au 29e tour, qui prend la 4e place. Mais pendant ce long deuxième relais, tous les regards se sont attardés sur la Toro Rosso du jeune Max Verstappen remonté jusqu'en 10e place, malgré un début de course qu'il a vu se perdre dans le peloton. Alors que les deuxièmes arrêts au stand commencent à se faire, l'aileron avant de la Force India de Nico Hülkenberg se détache en pleine ligne droite. Un violent crash, sans conséquence pour le dernier vainqueur en date du Mans. Mais un week-end coûteux en dégâts pour Force India, et en points aussi puisqu'il était en 7e place, et les espoirs de Perez partent en fumée après que le Mexicain fut victime d'une énième panne de cerveau de Pastor Maldonado. Bref, la safety car entre en piste et tout le monde se précipite au stand et la course est relancée à 20 tours du but. Le chaos recommence, Rosberg dépasse Raikkonen, dont le système de récupération d'énergie est en panne. Derrière, Ricciardo tente de reprendre sa place à Hamilton par l'extérieur, mais le pilote Mercedes percute la Red Bull, ce qui lui coûtera une pénalité de passage par la voie des stands. Maldonado et Verstappen subiront la même sanction, mais pour excès de vitesse dans la voie des stands. Ce jour-là, Maldonado enregistrera le record du plus grand nombre de pénalités en une seule course, en en prenant une troisième en dépassant la Manor de Will Stevens sous voiture de sécurité. Bottas et Verstappen se touchent, le Finlandais est désormais victime d'une crevaison et voit tous ses espoirs de points disparaître. Au 53e tour, Vettel mène devant Rosberg, Ricciardo, Kvyat, Verstappen, Sainz, Alonso, Button, Massa et Grosjean. Alonso dépasse Sainz, McLaren, plus en forme que jamais, sur ses circuits ne nécessitant pas de moteur, alors que le jeune pilote Toro Rosso abandonne juste après. C'est pas facile à dire, hein, Alonso dépasse Sainz, nécessitant pas... Bref. Rosberg est plutôt critique quant au choix de chausser à nouveau des pneus médiums, étant incapable de rattraper la Ferrari de Vettel. Ricciardo le rattrape et tente un dépassement. Rosberg se rabat devant lui et crève son pneu, lui coûtant toute chance de podium. Ricciardo doit aussi changer d'aileron, mais lui repart troisième et terminera dans cette position, juste derrière son coéquipier qui prend son tout premier podium en Formule 1, et au passage, le premier podium de Red Bull de la saison. Devant, Sébastien Vettel s'envole vers une victoire magistrale, la 41e de sa carrière, égalant Ayrton Senna. Verstappen termine donc 4e devant Alonso, chacun célébrant ce résultat comme une victoire. Hamilton est 6e après une course décevante devant Romain Grosjean, qui sauve l'honneur de Lotus ce week-end. Et pour plus de Grosjean, je te renvoie vers ma rétro du Grand Prix de Belgique 2015 qui suivait cette épreuve. Rosberg, grand perdant du jour, n'est que 8e devant Button et Ericsson, qui comprend pas comment il a fini là. C'est la première fois de l'ère hybride qu'aucune Mercedes n'est sur le podium. Dans une course chaotique, le héros du jour est le petit enfant Max Verstappen qui termine 4e. Le pays bandais, pourtant impliqué dans un accrochage et pénalisé d'un passage par la voie des stands, a su résister et remonter avec une maturité surprenante du haut de ses 17 ans. How close could you have been to maybe getting on that podium? Oh, for sure quite close if I didn't have the front wing damage, but you know, those things happen. I had to serve a drive-through because of that, and you know, at the end to finish P4 is amazing result. Mais naturellement, tous les regards se tournent vers Sébastien Vettel, dominant vainqueur du jour, au pilotage parfait du début à la fin. La vive émotion suscitée par l'excitation de cette course chaotique n'aurait pu connaître de fin plus juste que par le message radio du quadruple champion du monde. Et merci Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour toi. En cette époque où le Grand Prix de Hongrie avait la réputation d'être le rendez-vous triste et sans âme du calendrier, offrant des Grands Prix ennuyants, sans enjeu, les âmes sensibles aimeront penser qu'au fond d'eux, les pilotes ne se battaient pas pour eux-mêmes, mais pour quelque chose qui unissait le monde de la Formule 1. Et pour toute cette émotion, merci aux 19 pilotes de Formule 1 et Pastor Maldonado. Et pour ces quelques mots, merci Seb. Et pour cette course, merci Jules.